Victrice regarda Ambroisine. Ambroisine regarda Victrice. Pourtant, le courage leur manqua. Ils laissèrent croire qu'ils s'étaient perdus et qu'ils allaient visiter Pierre Écrit. La fileuse parut soudain soulagée et dit « J'avais peur d'abord que vous ne fussiez monsieur et madame Pérol, parce que le bien est à eux et que nous leur devons de l'argent. » Puis elle appela son mari. « Tu peux te montrer, Frédéric, ce n'est pas ce que nous craignons. » Frédéric descendit du grenier, suivi par les enfants dont les yeux timides luisaient. Il offrit aux visiteurs du lait, il n'avait pas de vin, du miel en rayon, des noix et des pommes. C'est tout ce que l'on trouve ici, la terre est si pauvre. Heureusement que le nouveau maître ne nous tracasse pas pour payer. Sans cela, on n'aurait qu'à mettre la clé sous la porte. De bien bonnes gens, que nous n'avons jamais vus. Mais vous devez les connaître si vous êtes de la ville. Ambroisine et Victrice dirent qu'en effet, ils connaissaient un peu les Pérol. Cependant, le soleil baissait. Il fallait prendre une décision. « Parle !» disait madame Ambroisine. « Non, parle-toi !» disait monsieur Victrice. Ils ne parlèrent ni l'un ni l'autre. Bien mieux, quand madame Ambroisine remonta sur l'âne, alors la femme s'approcha. « Vous pourriez peut-être vous charger d'une petite commission, puisque vous retournez à la ville. Il s'agirait de porter cela, de notre part, à ce brave monsieur, à cette brave madame Pérol. » C'était un grand coq, maigre et sec, qui protestait, lié par les pattes. On le suspendit au crochet du bas. Et le soir, quand les deux vieux firent leur entrée dans quatre perdrix, sur le charreton, les gens disaient devant les portes, avec une nuance d'envie, « Voilà madame Ambroisine et monsieur Victrice qui s'en reviennent en voiture de toucher leur rente de brame fin. »